Ce vendredi à la vie en BD, des petites autos de collection, un triangle amoureux à saveur zombie et des suggestions de lecture. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler du 9e art, pour parler de bandes dessinées. Et cette semaine, quelques bandes dessinées qui seront à l'honneur, notamment Made Inky de Rémi Simard. Donc, il collectionne les autos classiques et les autos petit format. Il a fait un livre là-dessus du côté de la pastèque. Alors, on parlera avec lui autant de l'album que de son travail de collectionneur également. On parlera aussi avec Blunk dans quelques instants. Blunk qui nous a offert du côté de chez Pow Pow une BD absolument délicieuse. Donc, un triangle amoureux, mais avec un des trois qui est revenu des morts. On ne sait trop pourquoi. Ça donne quelque chose d'assez absurde, mais de très humain également. Et qui plus est, c'est le premier album couleur du côté des éditions Pow Pow. Également, il y aura Stéphane Gravel qui sera avec nous en cours d'émission pour nous partager ses commentaires BD, entre autres choses. Et dans l'actualité cette semaine, évidemment, au moment où on se parle, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême bat son plein. On a su qui a été nommé Grand Prix de la ville d'Angoulême 2015, donc qui sera le président du prochain festival, donc l'édition 2016. On se rappelle que pour 2015, c'est Bill Watterson, le président, qui avait obtenu le Grand Prix en 2014. Alors voilà, le japonais Katsuhiro Otomo, 60 ans, a reçu donc jeudi 29 janvier le Grand Prix avec 38% des suffrages. Il y a 1600 auteurs qui ont participé au vote final. Il a été préféré au Belge Herman et au Britannique Alan Moore. C'est d'ailleurs la seconde année que le mangaka, auteur entre autres du cultissime et du superbe fabuleux Akira, publié de 82 à 89 au Japon. Il a aussi offert Domu qui figurait parmi les favoris évidemment. Ça faisait deux ans que Katsuhiro Otomo était proposé, donc on se doutait bien qu'il allait finir par être sélectionné, un peu comme Moore ou Herman le seront assurément. C'est quand même des monuments de la bande dessinée. Alors voilà, Otomo devient d'ailleurs le premier auteur japonais sacré à Angoulême. Akira Toriyama, qui est père de Dragon Ball, lui avait dû se contenter du prix du 40e anniversaire en 2013. Et en fait, évidemment, pour le mangaka, lui, il a reçu ça de manière très très positive. Il a dit, entre autres, que ce prix sera un encouragement, qu'il a l'intention de se mettre au travail. Et voilà. Sinon, on mentionne aussi qu'il y a un grand prix spécial qui a été décerné au dessinateur de Charlie Hebdo, tué dans l'attentat du 7 janvier dernier, donc Cabu, Walensky, Charb, Tignou et Honoré. Si on reste à Angoulême, il y a aussi autre prix qui a été donné, c'est le Fauve d'Angoulême prix jeunesse 2015 qui a été attribué, donc toujours jeudi 29, à Clément Aubry et Stéphane Melchior pour le tome 1 des Royaumes du Nord, donc l'adaptation BD de cette célèbre série de Philippe Pullman, donc qui a été édité et adapté chez Gallimard. Évidemment, on connaît l'histoire élevée par les vieilles barbes du Jordan College à Oxford. La jeune Lyra ne pense qu'à faire les 400 coups avec son ami Roger, le garçon des cuisines, rêve secrètement de suivre son oncle, le ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes du Nord, et l'aventure la rattrape plus tôt que prévu, alors que Roger disparaît, probablement enlevé par les mystérieux enfourneurs. Alors, les autres albums qui étaient en lice, entre autres, il y avait Au pays des lignes de Victor Housseneau, il y avait Boule à zéro, tome 3, Katrina, tome 1, Le gang des chevelus, Émile et Margot, tome 4, Merci, les monstres, Hilda et le chien noir de Luke Pearson, Carton, tome 1, Légende de la garde, tome 3, Passe-passe de David et Cuckooville et Daywood, Quatre sœurs, tome 2, et Seven Deadly Sins, tome 5, de même que Le temps des mitaines. Sinon, avant de s'en aller en musique, petite note, qui est non relié à Angoulême, mais en fait, c'est toujours intéressant. Pour la 9e année consécutive, en fait, le cabinet KPMG a passé au crible 193 maisons d'édition en se penchant sur des indicateurs financiers de 2013. Et résultat, semble-t-il que la tendance du chiffre d'affaires et la rentabilité a été à la baisse en moyenne, donc une baisse de 0,4% en 2013 par rapport à 2012 chez les éditeurs, mais avec de nettes disparités selon les secteurs éditoriaux. Donc, ça veut dire que la BD se détache largement. Le chiffre d'affaires, donc, alors que l'ensemble de la rentabilité a été en baisse, bien, le chiffre d'affaires de BD, lui, a progressé de 4,7% et la production a augmenté de 4,5% de son côté. Alors, les coûts d'auteur qui ont augmenté plus vite que les charges d'auteur dans le secteur de la bande dessinée, alourdissement des dépréciations également et donc quelques autres éléments qui sont mis de l'avant dans ce rapport sur l'économie de la bande dessinée. Alors, sur ça, on s'en va donc tel que promis en musique. La formation qui nous accompagnera au fil de l'émission, c'est la formation Lind avec leur album Lander qui est disponible sur le web, via l'étiquette 8-Bit People. Et on en écoute immédiatement un premier extrait. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est possible de réécouter l'ensemble des émissions sur notre blog. Donc, elles sont disponibles en balado diffusion. Vous vous rendez à lavieenbd.wordpress.com. Et tel que mentionné d'entrée de jeu, une belle BD qui nous a été offerte du côté de Pawpaw l'an dernier. On est un peu en mode rattrapage. C'est le début d'année oblige. Et on tenait évidemment à vous parler de cet album-là et à échanger un brin avec son auteur, Blunk, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être, en fait, d'emblée, faut mettre la table un peu sur votre bande dessinée. On se retrouve avec un homme qui est mort depuis quelques mois, qui sort de sa tombe, qui revient à la vie et qui tente essentiellement de se réapproprier la vie qu'il a dû à sa mort, évidemment, abandonner, mettre de côté. Oui, tout à fait, exactement. C'est l'histoire de Jean-Christophe, un type qui, comme vous dites, se réveille un bon matin, en fait, une bonne soirée, au cimetière, sans savoir pourquoi. Il se demande si, finalement, il reste couché au fond de son cercueil ou s'il tente de reprendre sa vie où il l'a laissé exactement. Et évidemment, à travers ça, on en vient aussi en cours de route à des éléments plus classiques comme le triangle amoureux. Et j'imagine qu'avec une posture de départ comme ça, on a vraiment la volonté de casser la structure habituelle de ce type de récit-là. Ben, il est certain qu'en ajoutant un élément comme le zombie, on vient un peu changer la donne. Puis c'est d'ailleurs ce que je voulais faire, c'était de raconter bon quelque chose d'un peu classique, le triangle amoureux, mais revu et corrigé avec un élément qui allait apporter autre chose, qui allait amener ailleurs. Et qui était un peu aussi le zombie, qui était emprunté des films d'horreur de série B. Pourquoi avoir choisi le zombie plutôt que l'alien ou des éléments comme ça? Est-ce que c'est par amour justement de ce type de cinéma-là? C'est sûr que c'est un cinéma que j'ai toujours beaucoup aimé. Même tout jeune, je demandais à mes parents si ce soir il allait avoir un film de monstre. Mais là, on s'entend qu'à l'époque, on parle des films de la Hammer ou des films de les vieux films des studios Universal avec Lugosi ou Karloff. Rien à voir avec le cinéma d'horreur d'aujourd'hui, mais oui, j'ai toujours un penchant pour ce type de cinéma-là. Et donc, c'est ça, quand est venu le temps de rajouter un élément fantastique à l'histoire, ben je me suis un peu dirigé naturellement vers ça. Et le fait aussi que ce soit un personnage qui revient à la vie et qui se pose beaucoup beaucoup de questions. Ça recoupe, ben, en fait, un peu mes propres questionnements face à l'existence. Il y a une partie de moi-même dans ce personnage-là, savoir, bon, mais pourquoi on est ici? Est-ce qu'il y a plus que juste ça? Est-ce que c'est un accident ou, bon, il y a autre chose? Donc, pour toutes ces raisons, j'ai choisi de prendre le zombie comme personnage principal. Et effectivement, est-ce que c'est un point qui est mis de l'avant, qui est très intéressant, dans la mesure où vous avez fait le choix, du moins de pas, sans vendre de punch évidemment, mais de pas nécessairement expliquer de manière scientifique pourquoi JC est revenu sur Terre, et donc ça devient un moteur pour lui pour avancer aussi dans l'histoire, pour justement essayer de se positionner par rapport à ce qui lui arrive, qu'il comprend pas du tout non plus. Ouais, ben tout à fait. Puis je voulais pas non plus partir dans quelque chose de métaphysique puis donner des réponses sans de toute façon savoir si vraiment j'avais raison ou tort, parce que personne ne peut prétendre à cette vérité-là. Fait que c'est quelque chose que je laissais de côté, puis je laissais le personnage finalement se débrouiller avec ses questionnements et essayer de trouver ses propres réponses. Et ce qui est intéressant aussi, et ça on le capte dès les premières planches, dès les premières cases, personne dans l'histoire ne se formalise non plus que JC soit un zombie, revienne à la vie. On dirait que c'est normal, c'est un problème qu'il revienne à la vie, mais c'est pas surprenant qu'il soit revenu. Et subitement, on tombe aussi dans une ambiance qui est somme toute assez absurde au bout du compte. Ouais, ben tout à fait. C'est effectivement un univers où ce genre de choses-là se produit, c'est déjà produit et se reproduira encore. Puis c'est pas quelque chose qui dérange les gens outre mesure. Dès les premières planches, on s'aperçoit que bon, ils se promènent, ils côtoient des gens, puis personne s'en occupe. Finalement, personne le regarde deux fois. Fait que c'est tout à fait normal dans ce monde-là. Ouais. Oui, donc dans le fond, il y a ce côté-là absurde qui domine l'amorce du récit, qui reste présent, qui est couplé avec justement l'ambiance dont on parlait tout à l'heure, liée un peu à la série B, et en plus, et ce qui se retrouve à être vraiment le cœur du récit, au bout du compte, c'est le côté humain, c'est les personnages, c'est leur rapport entre eux, leurs questionnements, et ça, c'est là qu'on a le véritable moteur de 23h72. Oui, tout à fait, je voulais, à travers tout ça, explorer ou parler de choses touche et qui me préoccupe, bon, à savoir, comme je disais plus tôt, le questionnement sur l'existence, mais aussi les rapports entre les gens, finalement, parce que je pense qu'on existe d'une certaine façon seulement qu'en fonction de nos rapports avec les autres, puis c'est souvent les autres qui nous définissent, qui on est défini par l'image qui nous est renvoyée. Fait que c'est quelque chose que je voulais travailler dans la BD. Effectivement, puis de découvrir finalement au contact les uns des autres, on découvre qui est / était JC, qui sont les autres aussi, et on tombe peut-être nous comme lecteurs, en fait du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti un peu en train de gratter puis d'essayer de voir, ok, ben qu'est-ce qui se passe, c'est où qui est le bobo là, au bout du compte là-dedans là. Oh, oui, tout à fait. Et d'une certaine façon, donc j'imagine qu'au niveau du travail, ça nécessite de bien caractériser tout le monde pour que justement ils puissent bien se définir, bien se relancer, bien se cadrer. Est-ce qu'il y a eu un bon travail de préparation justement par rapport au personnage, par rapport à l'esprit de ce récit-là? Ben il y a une partie qui est réfléchie, je vous dirais, mais il y a une partie qui est quasiment intuitive. Puis plus le récit avançait, plus je m'apercevais que les personnages m'amenaient vers une direction que j'avais pas pensé prendre, puis que je les découvrais un peu, mais en même temps je m'apercevais que ils avaient des caractéristiques qui étaient finalement mes caractéristiques à moi, un peu comme si tous les personnages étaient des facettes de ma personnalité. J'ai l'impression que en tant que créateur, peu importe ce qu'on fait, on est incapable de créer des personnages qui nous ressemblent pas d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Donc, les personnages, au début, j'avais une bonne idée de ce qu'ils allaient être, mais en cours de route, je me suis aperçu qu'ils se développaient et qu'ils devenaient un peu plus, à leur façon, un reflet de moi-même. Et à travers ça aussi, est-ce que on crée, au bout du compte, un récit qui est assez hybride, presque ovni aussi, vous laissez beaucoup de liberté dans le ton, et l'argument de départ un peu plus fantaisiste vous laisse aussi beaucoup de liberté dans les possibilités d'interaction, dans la manière d'interagir, à la limite de pouvoir avoir des concepts peut-être un peu plus crus par rapport à vos personnages. Ouais, ben tout à fait, puis comme je disais, l'histoire a commencé en s'en allant dans une direction, et d'ailleurs ça sent au début du récit, c'est un peu plus humoristique. Et tranquillement, les personnages d'eux-mêmes m'ont amené à aller vers autre chose. Mm-hmm. Puis là, tranquillement, on tombe un peu plus dans quelque chose de dramatique. Oui, puis ils ont évolué de par eux-mêmes, en quelque sorte, sans que j'ai rien à y voir, consciemment, en fait. Comme je dis, c'est plus intuitif que conscient comme, comme parcours, comme cheminement. Et ça fait, j'ai l'impression, au niveau de la construction du récit, un glissement qui est peut-être plus naturel, justement, d'un genre vers l'autre genre. Oui, parce que bon, c'est sûr que quand on fait quelque chose, on a de la misère à le voir d'une perspective externe, mais c'est ce que j'ai quand même essayé de faire une fois le livre terminé, quand je l'avais en main, je l'ai relu, puis j'ai essayé de me mettre dans la peau du lecteur qui lisait pour la première fois. Puis je pense que la transition du début de quelque chose de plus humoristique, plus léger, vers quelque chose de plus dramatique, se fait quand même assez doucement. C'est une transition qui s'est faite toute seule, finalement. Oui, puis les indices sont là, en fait. On les perçoit peut-être plus instinctivement la première lecture, mais après ça, la deuxième, on peut les voir un peu plus clairement, si on peut dire... aussi. Puis en même temps, je trouve ça intéressant que vous, de pas se sentir l'obligation non plus de se cantonner à un genre, un style, en disant bon, ok, il faut que ça soit drôle puis absurde. Ben, il y a différents types de comédie, puis on va chercher un spectre d'émotions qui est peut-être un peu plus large, justement, avec une approche comme celle-là. Oui, tout à fait. Puis c'est certain aussi qu'en tant que créateur, c'est toujours agréable de se laisser surprendre par ce qu'on fait. Mmh. De A à Z écrire, en fait, ça c'est l'expérience que j'ai faite avec 23h72, de pas l'écrire d'un bout à l'autre et puis après ça simplement de l'exécuter comme si j'étais illustrateur, mais je me suis laissé, en ayant une bonne idée du début, du milieu et de la fin du déroulement, je me suis laissé carte blanche pour finalement aller d'un bord plutôt que de l'autre. Si je voyais que l'histoire m'amenait ailleurs, je me laissais la liberté d'y aller puis d'embarquer avec les personnages. Et à travers le livre aussi, à travers 23h72, un élément auquel on n'est pas habitué chez Pawpaw, c'est la présence de couleurs. C'est le premier album couleur. Et cette couleur-là qui vraiment en fait donne... je l'ai perçu, vous me direz, Blanc, si gère un peu, mais j'ai perçu un peu comme un contre-pied au récit. C'est des couleurs qui sont très saturées, une coloration éclatée, joyeuse, limite enfantine à un certain degré, mais avec un récit qui, somme toute, est soit absurde ou soit assez adulte. Donc ça fait un contre-pied l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Il y a une dichotomie entre la palette de couleurs très, comme vous dites, très enfantine et un propos plus sombre. Bon, le questionnement sur la vie, la mort et tout ça, c'est quelque chose que je voulais utiliser justement pour un peu désamorcer. Comme la facture graphique de la BD, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui est quand même très, très simple comme dessin et très enfant par opposition à un sujet qui est plus adulte. Donc, on joue avec les perceptions du lecteur, on lui propose une ambiance, mais un récit qui détonne un peu. Pourquoi on avait cette volonté, justement, de créer je dirais pas une césure, parce qu'il y a quand même quelque chose qui les relie très, très fortement, mais d'aller justement avec ce type d'esthétique-là, comme moteur d'impression pour le lecteur? Ben écoutez, je trouvais le contraste intéressant. Si j'étais pour raconter quelque chose comme ça, je voulais pas y aller avec ce à quoi un lecteur s'attendrait normalement au niveau de la facture graphique ou de la palette de couleurs. Je voulais justement surprendre le lecteur puis faire autre chose. C'est sûr qu'on essaie toujours de créer quelque chose de nouveau. C'était un peu le but d'ailleurs avec ça. Et je pense d'ailleurs, votre éditeur, Luc Bosset, avait dit dans une entrevue, dans une radio du côté de Montréal, que pour lui, justement, il n'y avait pas de question de proposer l'album en noir et blanc, qu'il fallait que ce soit la couleur, que la couleur soit présente, parce qu'elle apportait la compréhension de l'histoire, elle apportait une touche nécessaire, si on peut dire, à 23h72. Oui, c'est sûr que ça apporte beaucoup, puis j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur le choix de la palette de couleurs. J'étais incertain au début quand j'ai commencé, je vais prendre une chance. Puis finalement, c'est ça, quand Luc, je lui ai proposé, je me suis dit, étant graphiste de profession, je savais qu'une version couleur, comme ça, quatre couleurs, coûterait beaucoup plus cher l'impression. Chez Pawpaw, il y avait que du noir et blanc à l'époque et de couleurs. Fait que j'ai dit à Luc, bon, mais écoute, si c'est trop cher, le projet t'intéresse quand même, on pourrait y aller en noir et blanc. Puis il a dit, non, c'est une des choses qui m'a accroché quand j'ai vu 23h72, c'est les couleurs, fait qu'on y va en couleurs. Donc, j'ai brisé la glace pour beaucoup d'auteurs chez Pawpaw, ce qui serait une bonne chose, qu'on puisse publier d'autres albums en couleur chez Pawpaw. Et de votre côté, en termes de parcours, vous gravitez, en fait, j'imagine, comme champ d'intérêt autour de la bande dessinée, du dessin. Vous êtes graphiste depuis un certain temps, mais c'est votre premier album, c'est votre premier projet hors fanzine, si on peut dire? Ouais, ben c'est ça. J'ai bossé longtemps dans le milieu des fanzines quand j'étais ado ou jeune adulte. Puis c'est ça. À un moment donné, la vie nous fait prendre une direction, un chemin. On a moins le temps de travailler à des choses comme la bande dessinée, par exemple. Là, j'ai pu m'y remettre depuis quelques années. J'ai travaillé sur quelques projets avec des amis, des projets de fanzine, des trucs du genre. Puis 23h72, c'est le premier projet dans lequel j'ai pu pleinement m'investir depuis très longtemps. Quand j'ai eu une quinzaine de planches d'avancée, j'ai commencé à faire des envois d'un bord et de l'autre. Puis c'est Luc qui était le plus réceptif, puis qui m'a contacté en me disant bon, ben, le projet m'intéresse. On s'est rencontrés, on a discuté. Puis ça, il m'a dit ben écoute, termine-le, puis on le publie. Donc là, c'est certain qu'avoir un éditeur, c'est un moteur, même si, bon, je travaille à temps plein, j'ai une famille, c'est un moteur très, très, très puissant qui nous motive beaucoup et qui nous donne une facilité à poursuivre, à mener à terme un projet comme ça, que je n'aurais peut-être pas terminé si j'avais pas eu en bout de ligne quelqu'un qui m'attendait comme ça pour le public. Et parallèlement, on se parle aussi ce soir quelques semaines, quelques mois même après la sortie de 23h72. Et depuis, ben enfin, on a vu qu'au niveau critique, notamment parce que c'est ce qui est plus présent sur le web, la réaction était positive. Il y en a quelques-uns qui ont mis la BD dans leur coup de cœur de 2014. Donc j'imagine que ça doit donner aussi une petite tape dans le dos additionnelle pour se lancer dans une autre aventure BD par la suite. Ben, c'est certain que je poursuis. J'ai déjà un projet en tête que j'ai entamé, mais en même temps, oui, ça motive beaucoup, mais quelqu'un m'a dit, suite à 23h72, le premier, c'est toujours le plus facile, mais le deuxième, c'est toujours le plus dur. Puis effectivement, étant donné que la réponse est quand même assez positive, la barre est haute, et qu'il faut que j'arrive au moins à égaler 23h72, sinon à le dépasser. Il y a ça qui m'angoisse un peu, mais je poursuis l'aventure. Excellent. Et d'ici à ce qu'on on vous retrouve côté BD, ben on incite fortement les gens à se mettre sous les dents le 23h72 que vous nous avez proposé chez Pawpaw. Blunk, merci beaucoup. Merci infiniment. À la prochaine. Bonne soirée. Voilà, donc je le rappelle, Blunk, auteur de 23h72, disponible aux éditions Pawpaw. Toujours à l'écoute de la vie en BD. Cette semaine, je le rappelle, en musique, c'est la formation Lind avec leur album Lander qui nous accompagne. On vient d'écouter un petit extrait de leur pièce Void Traveler, album disponible sur l'étiquette 8-Bit People. Et maintenant, au bout du fil, on a le plaisir d'être en compagnie d'un de nos collaborateurs, Stéphane Gravel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et Stéphane, cette semaine, commentaire BD à savoir classique. On va aller chercher des séries, des intégrales, des reprises, des retours. Écoute, je trouve qu'on c'est niaiseux ce que je vais dire, mais avec notre toute l'excellente BD qu'on lit aujourd'hui, on a tendance à oublier la BD. Ou du moins à oublier ce qui le produit qui était fait il y a 20, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si on parle du dernier Blake et Mortimer, par exemple, c'est une série classique à laquelle on peut avoir le goût d'aller ou de ne pas aller, mais tu sais, c'est clair que moi, quand je vais avoir à choisir une bande dessinée, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toute la beauté des romans graphiques, avec je suis attiré par tout ce qui est entre guillemets moderne et nouvelle BD, et je me lance toujours a priori vers ces bandes dessinées là pour découvrir des choses et pour lire une BD qui est différente. Puis je me suis rendu compte que je néglige les classiques de la BD qui continue à apparaître aujourd'hui. Le dernier Blake et Mortimer, par exemple, le bâton de Plutarque, mm-hmm. est une BD, ma foi, je sais pas si tu l'as lu, Raymond, mais assez bonne, merci. Oui, en fait, pour Blake et Mortimer, on dirait que j'avais le problème que, je pense qu'on en avait parlé dans le passé, que contrairement peut-être à des séries comme Spirou et Fantasio ou Lucky Luke, on était trop dans l'hommage et moins dans une série qui continue à évoluer, à progresser. Absolument, absolument, mais là, j'oserais dire enfin, un Blake et Mortimer qui est complètement ancré dans la série, se passe dans un univers qui est Blake et Mortimer. On n'essaie pas de recréer quelque chose de nouveau ou de oui, il y a toujours un problème avec Blake et Mortimer, et je sais pas si c'est la multitude d'auteurs qui y travaillent aujourd'hui là, mais exemple, je pense que quand on avait parlé de ça, c'était un peu avec la machination Voronov, qui était pour moi pas une BD exceptionnelle, qui me donnait pas le goût de continuer la série. Mais là, on retombe à Londres en 1944, c'est la guerre, c'est les avions, c'est Francis Blake qui est pilote, c'est Mortimer qui arrive, c'est on doit essayer de décoder les codes allemands. Donc il y a quelque chose qui est très très très très ancré dans l'univers Blake et Mortimer, et André Juillard est un dessinateur extraordinaire qui réussit à faire dans cette BD-là quasiment des pages d'anthologie des Blake et Mortimer, un peu comme Ted Benoit avait réussi à faire avec l'affaire Francis Blake. Donc dans ce cas-là, l'hommage colle et on se sent dans les belles années plutôt que dans une espèce d'appendice moins désirable. Exactement, exactement. Cet album-là se passe à peu près... se passe avant le secret de l'Espadon, premièrement. Donc, on fait une espèce de prequel là, des aventures de Blake et Mortimer. Et les éditions d'Argo en ont profité, bien sûr, les éditions Blake et Mortimer, pour ressortir le secret de l'Espadon en intégrale. Et là, je me suis laissé prendre à lire cette BD-là, et j'avais l'impression que je l'avais jamais lu de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. Jacob n'a pas été un génie de la bande dessinée pour rien. C'est sûr qu'il faut mettre un peu les lunettes de l'époque, là. Mais cette intégrale-là est simple, mais bien faite. C'est-à-dire qu'on a les pages couverture du journal Tintin de l'époque qui nous amène tranquillement justement dans cette atmosphère graphique-là. Et puis moi, j'ai toujours... C'est niaiseux ce que je vais te dire, là, Raymond, là. Mais j'ai toujours lu Le secret de l'Espadon dans la réédition qui avait été faite par Dargo, grand format, sur papier un peu lustré. Mm-hmm. Et j'ai toujours trouvé que c'était pas Le secret de l'Espadon. Le secret de l'Espadon mérite un papier mât. Et là, avec cette intégrale-là, on revient avec le papier mât, les couleurs franches, les couleurs, l'atmosphère de la BD des années 50. Et là, je trouve que 50-60, et je trouve que ils ont vraiment bien fait, et c'est une très bonne idée de sortir cette intégrale-là en même temps que l'autre BD. Oui, c'est un coup de marketing, mais ça nous permet d'entrer vraiment dans l'atmosphère de Jacob de ces années-là. C'est une réussite là, qu'ils ont fait avec Blake et Mortimer cette fois-ci. Et autre série, et là tu me rappelais des souvenirs de mes années quand j'étais petit en bibliothèque où il y avait des masses d'exemplaires de cette série-là, Poussy. Et une intégrale de Poussy est sortie. C'est extraordinaire. C'est mon Dieu que je suis des fois quétaine et cucu, là. C'est une belle BD d'abord au niveau de son format, ce format italien. Donc Poussy, c'était toujours des gags en à peu près deux strips, là. Donc c'était rarement une page complète comme pouvait le faire Franquin pour les Gaston Lagaffe. Et puis là, fait qu'au lieu de mettre deux gags dans la même page, on a fait ce qui était à l'origine dans le journal, c'est-à-dire de le mettre en format à l'italienne, un peu comme les premiers Gaston, justement. Mm-hmm. Et là, depuis, dans leur... je sais pas s'ils ont retrouvé toutes les archives, font un Poussy qui est une intégrale qui va inclure des dessins, des crayonnés, les premiers gags qu'avait fait Peyo. Et puis ça faisait des années, moi, que j'étais vraiment petit garçon quand je lisais Poussy. Et c'est mon garçon qui est tombé sur cette BD-là et qui a voulu lire Poussy parce qu'on vient tout juste d'avoir un chat à la maison, puis il est fasciné par l'univers félin. Et puis moi, j'en ai profité en cachette pour aller le chercher dans sa chambre le soir et lire aussi des Poussy. Et j'ai eu un souvenir extraordinaire de ma jeunesse. C'est beau, c'est bien fait, c'est des gags niaiseux, mais brillants. Il y a quelque chose dans cette BD classique-là qui me touche énormément, puis que comme je disais au début de la conversation, qu'on oublie comment la BD ça peut être facile, simple, beau, rigolo et plein de couleurs. Et il nous reste un petit 3 minutes peut-être pour une autre série, Jérôme Cabloche. Mais là, c'est Jérôme Bloch, c'est une série qui elle se continue. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas, moi ça fait, on en est à quoi, je l'ai pas sous la main, mais peut-être au numéro 50. Bon. On est rendu loin. On est rendu Jérôme loin. Bloch, je ne sais plus là, mais j'exagère un peu, hein. Un peu, mais pas tant que ça. En tout cas, il y en a un paquet. Et ça aussi, c'est une BD que je lisais quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, Jérôme Bloch était un peu ce qui arrivait de nouveau chez Dupuis. C'est-à-dire que il y avait justement des vieilles séries qui traînaient depuis longtemps, et à un moment donné, l'auteur d'Audier était arrivé avec Jérôme Bloch. Il a amené une BD qui était, entre guillemets, un petit peu plus adolescente qu'une BD pour enfants. Et c'est un personnage qui fait une enquête. C'est un peu un Sherlock Holmes un peu désabusé. Et puis là, avec la dernière BD qui est L'Ermite, et je trouve qu'il amène une dimension qui vieillit, entre guillemets, avec son lecteur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que de lire un Jérôme Bloch, c'est de lire à quelque part en BD un bon polar avec un bon suspense, une belle énigme, avec un personnage qui est bien campé et un dessin qui est solide, qui est franc. Ça reste quelqu'un qui a énormément d'expérience en BD. Là, quand c'est bien exécuté, il y a une raison pour laquelle, en fait, il y a des polars comme ça qui traversent le temps. Je veux dire, parce qu'il y a un plaisir à lire ce type de récit-là quand c'est bien campé, quand comme tu disais, quand des personnages sont là, quand l'ambiance est là, quand le mystère est là. Lui, on y croit, là. On croit au personnage, on croit, on commence à le connaître aussi. Bon, regarde, je viens de chercher en même temps que je te parlais, là, L'Ermite, c'est le 24. J'ai juste doublé. Disons que si c'était des albums de 16 pages, il y en aurait eu 50, vraiment. Ouais. On n'est pas assez. C'est pas donné qu'il y en a 48. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Et c'est vraiment toute l'école Spirou, l'école de la BD franco-belge qui est là-dedans. Puis, écoute, je dois t'avouer franchement, je m'amuse à redécouvrir ces BD-là, et je pense qu'on va y aller de plus en plus dans des BD entre guillemets classiques. Je pense qu'il faut pas oublier les classiques. J'ai vu récemment qu'on va faire un film avec Benoît Brisefer, donc on va ressortir ces BD-là bientôt chez Dupuis. Mm-hmm. C'est des BD que j'ai lus à la bibliothèque, puis que je suis pas sûr que j'ai vu réédité depuis depuis plusieurs années. Et j'ai hâte de voir comment la jeunesse va redécouvrir un personnage comme Benoît Brisefer. Qui il est devenu aujourd'hui? Est-ce qu'il a vieilli? Ou est-ce qu'il est toujours un personnage de bande dessinée fantastique et intéressant? Tu te souviens, c'est celui qui était fort, là. Aussitôt qu'il a attrapé un rhume, sa force disparaissait. Écoute, c'est magique. On suit tout ça. Évidemment, d'ici là, on retourne vers nos Poussy, nos Blick et Mortimer et nos Jérôme K. Bloch. Stéphane Gravel, merci. Ne lâchons pas les classiques. À bientôt. Salut. Salut bien. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Dans quelques instants, on jase avec Rémi Simard. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec.

Donc, un petit village, donc Emi, et on fait la rencontre de Tomoji, donc une jeune fille de 13 ans qui met une heure à pied pour aller à l'école et revenir, qui a une enfance qui est tout sauf facile, où le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. On va découvrir son quotidien, on va replonger dans son passé, aller voir les événements qui ont mené à la mort de son père, qui ont mené à sa mère, qui va prendre un jour la décision de l'abandonner, elle et ses frères et sœurs, de les laisser avec leur grand-mère, éventuellement la mort de cette grand-mère-là. Et éventuellement une demande en mariage un peu inattendue d'un lointain cousin qu'elle a presque croisé un de ses jours. Alors, donc, un récit, une vie assez difficile, évidemment, et une vie qui est pas sans intérêt dans l'absolu, mais peut-être que si on va comparer Elle s'appelait Tomoji avec d'autres des grands ouvrages de Jiro Taniguchi, eh ben on en ressortira peut-être un peu sur notre faim. On a l'impression que c'est plutôt un premier tome qu'un portrait dans son ensemble, donc on est peut-être un peu trop dans la chronologie et pas nécessairement suffisamment dans l'humain derrière cette chronologie-là. Donc, c'est un peu ce que j'en ai ressenti. Cela dit, ça reste Taniguchi. Et donc, c'est meilleur que bien des choses. Mais disons, c'est tout dépendant de l'échelle d'attente qu'on va avoir envers ce récit-là. Donc, le récit est une structure peut-être un peu plus banale que certaines des autres propositions de Taniguchi, mais ça reste maîtrisé, ça reste somptueusement dessiné avec un trait qui est précis, qui est clair, qui est vivant, qui est souple. Et donc un portrait qui nous émeut un peu à travers la douleur, bon, on se positionne, mais qui vient pas nécessairement nous chercher autant que ce qu'on aurait souhaité. Donc, mais au final, on s'entend, même si le mangaka ne va pas jusqu'au bout de ce portrait-là, mais reste que Elle s'appelait Tomoji demeure une bonne bande dessinée. Donc, je répète, pas à l'égal des grands tableaux de Taniguchi, mais tout de même là une bonne offre dans le marché BD actuel. Alors ben voilà, donc pour ce petit clin d'œil, c'est publié chez Rue de Sèvres. Et ben nous, on se dit bonne semaine, on se dit à la semaine prochaine. On aura le plaisir notamment de jaser avec Yann Mongrain autour de sa BD Dominique. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Et ben je vous souhaite donc une bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.